totalement vrai mais t'as des prothèses. On a les armes et Dieu nous protège. Tu te maries, les jeans font le cortège. Demi-ami a coulé la neige. L'orage n'a pas fait pousser les arbres. La soumission à Dieu, la soumission aux armes. T'as peur de caner bébé, moi je veux pas que mon fils soit une pouca, vous deviennent un drogué. Pas de mytho ni de ragot, mon équipe envoie dans les cargos. Dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, un tic taran de la moto. T'aimeront pas, t'inquiète papa. J'fais que bénef, t'es juste un bon repas. Il faut ma pièce, une île en graisse. Que n'est pas la vérité qui blesse. Putain le smic et jamais le loyer qui baisse. Et j'ai pas pour habitude que la vie me baise. Petite ambition, pas petit salaire. J'ai dormi dehors et caillé sa mère. Grande souffrance égale niquer ta mère. J'en ai fait du mal mais c'était nécessaire. Ouais, ouais, ouais. J'ai 16 ans, je rêve de but, hein. Je sais que mon avenir est lointain. Je veux te comprendre, avec juste dévaliser le boutin. Oh là, papa, j'ai le tapé en main. Je vais rester jusqu'à demain. De Medellin, de pilote en ligne. Te ramène des listes dans un film, t'as pas la main. J'irai me coucher quand le ciel sera bleu. Faut te niquer mon pote. Qu'est-ce qu'on putain. Pris quelques millions putain. Il faut rester le même, pas devenir une putain. C'est l'histoire de ces gamins qui sont partis de rien ma gueule. Belle et qu'à la prod. Et bro 3 Leur pas ma mama, ça n'est qu'un drama, on fait pas jama. Je n'étais pas là, madame la procaster, j'étais chez moi. On va les choquer, on fait gratter des millions. Fumer, je suis ok. Oh non, non, non, non, non. C'est vraiment avoir mort ou vivre, tout cela dépendra de toi. Le soir, les jeans se voient propres, qui chient et ne parlent que de moi. Ils me veulent dans les flammes. J'ai mon cœur et mon pare-balles, mon frère. Fais gaffe sur mon portable. Aujourd'hui, y'a le béret, mon frère. Fils, fils, tu ne verras que ça. Et la police, mon fils. Tu sais qu'on n'est pas fait pour ça.